Page 95. Activité 4. Piste 82. A. Je te présente mon frère Léo. B. J'habite à Bruxelles avec ma famille. C. Ce n'est pas ma sœur, c'est ma mère.